ça pue la mort, justice de merde pour les paumés, dans des prisons ou dans encore, en attendant d'être crucifiés. Dans des prisons de la République, en tuant, viol et en torture, en attendant l'instant critique, la pendaison pour les gravures. C'est ta justice qui me fait gerber quand tu entasses la viande humaine, une cellule de 9 mètres carrés pour les tolards que l'on enchaîne. Ton hexagone, les politiques sont des ordures. À la télé, tu en fais des tonnes pour tes bobos, pour ta culture. Et moi, je vous crache à la gueule au nom de mes frères prisonniers. Votre Élysée, je le dégueule, je pisse sur vos maisons d'arrêt. Les droits de l'homme sont obsolètes dans cette France de nazillon. On tire à vue sur le squelette, c'est la patrie du roi des cons. Au nom des cons qui vont crever, ta Marseillaise, on la dégueule au nom de la fraternité. La terre sucée par les banquiers, en attendant tes potes fascistes, t'es qu'une ordure, un enfoiré, un sac à merde, un sarkozyste. Et moi je te crache à la gueule, à toi, à tous tes ministres, et ta justice je la dégueule en attendant la liberté. Frère, tous les paumés, on mettra le feu à la nation. Ce sera le bal des suicidés pour ceux qui se pendent dans tes prisons. Et moi je te crache à la gueule, à toi, à tous tes ministres, et ta justice je la dégueule en attendant la liberté. Avec mes frères, tous les paumés, on mettra le feu à la nation. Ce sera le bal des suicidés pour ceux qui se pendent dans tes prisons.